Ainsi, c'est à moi de parler maintenant. Qu'est-ce que je peux dire? Quand j'aurai fini, vous me condamnerez pour le crime que j'ai commis. Alors je vous le demande. Qu'est-ce qu'un crime? Et comment le punir? Le châtiment paraît plus ou moins variable dans le temps ou l'espace. Ce qui est légal aujourd'hui est illégal demain parce que la bonne société dit que c'est ainsi. Et puis, ce qui était illégal hier devient légal parce que c'est passé dans les usages. Et je n'ai pas dit que c'était juste ou injuste. Mais je dis que c'est comme ça, c'est tout.